Les nuits de France Culture, la nuit de la médecine. Nuit de la médecine au début de laquelle nous avons accueilli l'historien Stanis Pérez, qui publie Le corps de la reine chez Perrin, et dont l'histoire des médecins vient de reparaître dans la collection de poche Tempus. Nuit de la médecine au cours de laquelle nous a rendu visite Nathalie Reims pour son récit « Les reins et les cœurs », édité chez Léo Cher, le récit d'un mal sévère, sérieux, familial et de ses conséquences. Nuit de la médecine illustrée comme il se doit par de multiples archives, certaines joyeuses ou loufoques, Le médecin malgré lui de Molière, Le parti d'en rire de Pierre Dac et Francis Blanche, plus tard dans la nuit Knock de Jules Romain, et puis certaines archives plus graves ou plus sérieuses, La santé des citadins et des ruraux par exemple dans la tribune de Paris de 1947, La médecine coloniale, ça c'était en 1945, La médecine verte, à l'instant dans la Matinée des autres, et plus tard, Le problème des malades mentaux, ça c'était en 1946, dans une autre tribune de Paris. Bonsoir Fanny Guéral. Bonsoir Philippe Garby. Alors, un historien de la médecine, une patiente, il fallait aussi évidemment recevoir un médecin dans cette nuit de la médecine. En l'occurrence, c'est, alors on ne dit pas une médecin, que doit-on dire ? On dit un médecin. On dit un médecin. Alors, vous êtes en tout cas notre médecin de nuit, Fanny Guéral, pour un roman que vous publiez chez Rajot, intitulé « Médecine » deuxième année, sous-titré Amour, colloque et stéthoscope. Alors, quand on comprend que, on sait que l'éditeur Rajot, c'est un éditeur pour la jeunesse, de romans pour la jeunesse, et puis ce sous-titre Amour, colloque et stéthoscope, c'est quand même assez joyeux. Alors, ça donne le ton. Il ne s'agit pas d'un roman terrible sur des maladies épouvantables ou un roman très très sombre sur l'univers de la médecine. Non, il s'agit d'un roman léger, c'était le but initial. C'est l'équipe de Rajot qui recherchait un médecin pour écrire sur les études de médecine. Et moi, j'écris habituellement des romans plutôt légers, des comédies chez les adultes. Donc, ils m'ont proposé ce projet-là. Vous avez édité, alors on peut donner les titres, La génération spontanée des grumeaux. Ça, c'était de l'auto-édition, auto-édition. Mon tout premier roman. Le début des haricots. Oui, chez Albin Michel. Oui. Plus que toute autre chose. Oui, chez J'ai lu. Et puis vous en avez publié un le mois dernier. C'est celui-là, c'est plus que tout autre chose. Voilà, c'est plus que tout autre chose. Mais nous, ce qui nous intéresse au cours de cette nuit de la médecine, c'est vraiment ce roman pour adolescents, donc pour la jeunesse. Alors adolescent, c'est quoi? C'est 12 ans, de 12 ans à... Oui, c'est à partir de 12 ans. C'est-à-dire que c'est des lecteurs plus jeunes que les héros de votre roman. Oui, parce que apparemment les collégiens, les lycéens aiment bien lire des histoires qui mettent en scène des héros un peu plus âgés, se projeter dans la vie d'étudiants. Bien sûr, et puis surtout qu'ils ont des histoires un peu amoureuses, les héros que vous vous interdiriez peut-être de projeter comme ça chez des collégiens. Il faut rester à mot choisi, on va dire. D'accord. En tout cas, la couverture, on reconnaît tout de suite, on identifie évidemment le milieu médical, en l'occurrence. Des blouses bleues, enfin en tout cas des hauts bleus, un stéthoscope autour du cou, ça, de toute manière, c'est le costume du médecin ou du jeune étudiant en médecine. Oui, là, sur la couverture, c'est le costume de bloc, en l'occurrence. C'est une tenue de bloc bleu avec d'hôpital, un stéthoscope donc. Autour du cou, oui. Ils ont l'air très joyeux. C'est les comédiens qui ont posé pour cette photo ont l'air très joyeux. Oui, c'était l'idée du roman, c'était de faire passer un amour de la médecine, peut-être. Donc c'est le ton est plutôt joyeux, même s'il y a aussi des sujets plus graves, des choses avec l'hôpital. Forcément, on est confronté à la maladie et à la mort, mais le ton global du roman est plutôt joyeux. D'autant que ces étudiants-là, ils ont réussi l'entrée en deuxième année. Et alors, finalement, vous auriez pu choisir, Fanny Guéral, la première année, qui est une année épouvantable, d'après ce que l'on en sait, parce que c'est cette année où tout le monde veut entrer en deuxième année. Sinon, c'est foutu. Enfin, sauf si on passe, on a droit à deux oui, passages. Hein. On a droit à rater une seule fois. Mm-hmm. Mais c'est une année terrible quand même de jalousie, d'envie de tout le monde et de votre rival. Tout le monde est à éliminer, non? Oui, mais je me suis dit que ce serait moins intéressant à raconter du coup. Ça aurait été une tragédie, là. Voilà, enfin, peut-être. Chose. Oui, parce que à part les cours en amphithéâtre et la bibliothèque universitaire, il n'y aurait pas eu grand-chose à raconter. Et là, j'avais envie de parler d'hôpital, de stage, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de situer plutôt le roman en deuxième année. Et vous-même, Fanny Guéral, votre première année de médecine, vous vous en souvenez, j'imagine? Oui. Oui, c'était à Grenoble, et puis c'était une année très intense de travail, jour, pas jour et nuit, mais jour et soirée, et avec une boîte à concours aussi, comme la plupart des étudiants. Ça a été une année très très intense, oui. Tout se joue en quelques mois? Oui, on met sa vie entre parenthèses. Et puis, on travaille pour réussir le concours. C'est quand même la seule profession comme ça, médecin, qui joue sur cette terrible année. Enfin bon, ça va peut-être changer, mais comme on n'en sait rien, on n'en parle pas. Ça va peut-être changer, mais jusqu'à maintenant, c'est cette année peut-être totalement perdue. Oui, c'est vrai que ça peut être terrible, parce que moi j'ai des amis qui ont raté deux fois et qui avaient réellement le désir de devenir médecin et qui n'ont pas pu le faire. Donc c'est vrai que ça peut être un peu dramatique dans la vie de certains. Alors vous nous avez dit, Fanny Guéral, vous vouliez écrire et vous avez réussi un roman léger pour des lecteurs adolescents qui mettent en scène et en lumière des adolescents plus âgés. Enfin, ils ont tous 18 ans passés, ils ont eu leur bac, ils ont passé la première année, ils ont réussi l'entrée en deuxième année. Et donc vous parlez aussi ils sont confrontés très rapidement finalement à l'hôpital, des dissections, des choses comme ça. C'est, alors, la plus grande souffrance, finalement, c'est de être confronté à des gens malades ou à la mort. Moi, je dirais que la mort, c'est quelque chose de très frappant, de choquant. Les deux sont compliqués, hein, mais c'est vrai qu'en deuxième année de médecine, j'ai pas fait l'impasse sur les dissections, parce que je pense que c'est un moment très important, mais ça arrive d'emblée, très tôt dans l'année, et ça c'est un choc d'être face à des cadavres et puis de faire des dissections. Oui, mais vos personnages, je sais plus quel personnage dit qu'il a finalement être confronté à la souffrance et à la mort, c'est à la souffrance du patient, c'est pire que finalement voir quelqu'un, à moins qu'on ait vu cette personne déjà à l'hôpital deux, trois jours avant et qu'on la retrouve comme ça pour une dissection, là, ce qui est quand même pas... Non, pas, ça, c'est pas les mêmes personnes. Ça arrive pas, non. Par contre, parfois, on assiste au décès d'une personne. Ça, c'est difficile à vivre. Hein. C'est des situations compliquées. Moi, je me souviens de stages en cancérologie, notamment, quand j'étais très jeune externe, avec des patients en train de mourir dans le service. Et ça, c'était ma première confrontation aux soins palliatifs, aux stades terminaux de ces maladies-là. Et c'est des périodes compliquées. On a le moral un peu dans les chaussettes, en tout cas. Moi, c'était mon cas à cette période-là. Et vous êtes d'une famille de médecins ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on voit la différence d'ailleurs dans le roman, il y a des personnages qui sont, enfin il y a un certain Romain qui est assez détestable, ça va peut-être changer au cours du récit, mais enfin bon, pour l'instant, au début il l'est vraiment, mais il est le fils d'un chirurgien, donc lui-même il se voit chirurgien plus tard, etc. Il a une espèce de mépris pour finalement les néo-pratiquants à venir, quoi. Enfin, si on n'est pas fils, petit-fils, arrière-petit-fils de médecin, c'est pas grand-chose. Alors oui, il y a des dynasties de médecins ou de chirurgiens. Alors j'ai un peu forcé le trait, un peu de caricature aussi dans le roman pour que ce soit plus intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a une proportion non négligeable d'enfants de médecins en médecine. C'est quelque chose qui se transmet souvent. Et vous-même, au cours de vos études, Fanny Guéral, vous aviez le temps d'examiner, de voir la psychologie de certains de vos petits camarades? J'observais, comme je le fais dans la vie, mais... Oui, c'est vrai que ça correspond à des situations que j'ai pu vivre avec un fils de chirurgien ou un enfant de médecin. Parfois, c'est présent dans les relations. Alors, votre héroïne, elle ressemble sans doute à Fanny Guéral, mais elle se ressemble aussi à d'autres, à tout le monde. Enfin, voilà. Et surtout, peut-être, en effet, aux collégiens qui sont la cible de ce roman. Comment on passe d'un personnage qui est déjà finalement une adulte, quand même, c'est votre héroïne, au regard que l'on suppose, que l'on espère, des lectrices et des lecteurs, comment on passe comme ça, comment on fait pour que ce personnage finalement déjà adulte soit intéressant pour des collégiens? Ça, c'est un travail que j'ai fait avec mon éditrice, en partenariat avec elle, parce que moi, j'avais pas cette expérience-là d'écrire pour les collégiens. On a travaillé sur épurer le style d'écriture, et puis j'ai essayé de centrer beaucoup sur les émotions du personnage pour que ce soit accessible pour les collégiens, de faire vivre de l'intérieur une narration en jeu, un personnage principal qui dit « je », et puis de faire attention, d'oser ce que j'amenais pour que ça reste accessible pour les collégiens. Et alors, vous écrivez, vous relisez, vous reprenez, vous jetez tout? Je relis, puis je fais lire à mon éditrice, Chéra Jo, c'est elle qui avait un regard très intéressant sur tout ça, et qui m'a aidée finaliser les choses. Mais ce qui est certain, c'est que puisque vous êtes médecin, de toute manière, vous n'avez pas à avoir à attendre une lecture qui dirait ça c'est faux, ça attention. Vous n'êtes pas allé dans un métier que vous ignoriez. Oui, bah là, en plus le projet m'a été proposé par l'éditeur, mais ça c'est dans un domaine que je connais, donc effectivement pour toute la partie médicale, c'était pas trop compliqué. Je réfléchissais aussi à mes souvenirs, puis j'ai discuté un peu aussi avec des externes qui m'ont raconté les études actuelles. Je voulais vérifier que j'étais quand même à la page. Et donc en mixant les deux, j'ai organisé le récit du stage et de l'hôpital, des études. Mais vous vous êtes peut-être interdit quand même des passages plus terrible, j'imagine, parce que vu les lecteurs que vous visez, vous n'allez pas. C'est pas. Il s'agit pas d'un roman à l'eau de rose. Hein, c'est pas. On s'amuse pas. On ne fait pas que s'amuser dans ce roman, pas du tout. Mais il y a quand même le côté adolescent, qui ont des regards, des machins, l'histoire d'amour, tout ça, enfin à venir ou à ne pas venir. Mais ça peut pas être que ça cette année-là, cette deuxième année et les années suivantes. Oui, l'éditrice m'avait dit vous pouvez parler de tout, mais à mots choisis. Alors c'est quoi les mots choisis? Quels sont les mots de médecine interdits, par exemple, que vous êtes interdits? pour décrire les dissections, par exemple, j'ai essayé, là encore, c'est de rester avec les émotions, les ressentis de l'héroïne, et de pas entrer dans des descriptions qui auraient été trop compliquées, trop difficiles à lire pour les jeunes lecteurs. J'ai aussi choisi des cas cliniques de patients. C'est-à-dire que, par exemple, on a une patiente qui meurt dans le roman, et c'est une patiente qui est plutôt âgée. Et puis, on a une jeune patiente, mais qui s'en sort. Donc, j'ai essayé de rester dans des choses qui soient pas trop choquantes pour les jeunes, en tout cas pour ce premier roman-là. La personne âgée meurt, et le fils arrive. Et le fils arrive, oui. Le fils de ça se passe moins bien, là. Ça se passe moins bien, oui, parce que l'héroïne Célia a des difficultés pour entrer en relation avec les patients, avec la famille des patients. Elle se pose beaucoup de questions à ce sujet. Et c'est un questionnement que j'ai eu moi aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'axer le côté psychologique, questionnement du roman là-dessus. Il y a aussi pour nous, enfin pour les lecteurs qui sont peut-être un peu étrangers au monde de la médecine, il y a quand même un côté documentaire, fatalement. Oui, je crois. Alors, de ma position, c'est pas forcément évident à dire, mais on me l'a dit plusieurs fois que pour les gens qui connaissaient pas grand-chose à la médecine, c'était intéressant de découvrir la vie d'un étudiant de l'intérieur et qu'on apprenait des choses sur l'hôpital. J'en suis ravie. Qu'avez-vous appris, vous, en deuxième année? Vous vous souvenez, Fanny Guérald? Plutôt, qu'est-ce qui vous... Parce qu'on apprend, on est là pour apprendre. Donc on apprend. La première année, on apprend par cœur et on ne sait pas pourquoi, vraiment. Enfin, c'est un peu étrange, hein, quand même, comme apprentissage pour cette première année, apparemment, comme concours. Mais qu'apprend-on? Enfin, que découvre-t-on auquel on n'avait absolument pas pensé? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet court théorique dans lequel on commence à faire de la sémiologie, la science des signes cliniques, à apprendre des choses plus médicales en lien avec les maladies, les diagnostics. Donc ça un côté intéressant qu'on n'a pas en première année. Et puis sinon, il y a tout le volet hospitalier avec la confrontation avec les corps, avec les patients, la maladie. Donc ça, c'est expérientiel. On apprend à être, c'est plus l'apprentissage d'une posture, ça m'a marqué. Et alors vraiment, quand on voit arriver vous parlez d'une jeune fille là qui arrive, qui elle n'aime pas son corps visiblement, mais qui veut parler à l'héroïne, enfin qui veut être il y a fatalement aussi, parce que on parle des médecins, c'est la nuit de la médecine, mais donc les patients sont là et elle s'énerve d'un moment donné, cette jeune fille, parce qu'elle est à affaire à un médecin qui la regarde comme un cas. Vous oui. avez vu ça Oui, j'ai vu ça. Mais c'est normal, on est un cas, chaque fois. Alors, c'est pas ce que je considère, mais effectivement, pour certains médecins, les patients sont des cas, je pense que c'est une... Non, mais on ne veut pas être un numéro, mais on est un cas, on est même... Le patient n'est pas toujours mécontent d'être un cas. Il y en a qui sont même très contents de se dire, tiens, là, c'est... Oui, j'entends ce que vous dites, mais dans le roman, la patiente qui s'énerve, je pense qu'elle se sent pas rejointe, elle se sent pas vue avec humanité. Et donc c'est plutôt de ce côté-là. Ce qui pouvait parfois me déranger, moi, quand j'étais étudiante avec certains grands professeurs ou certains médecins, c'était une certaine déshumanisation de la médecine. Mais il y a des médecins plus humains et puis des médecins pour qui c'est plus compliqué les relations avec les patients. Ou peut-être se blinde-t-il, peut-être, on ne sait pas, parce que finalement, parler à la jeune étudiante sans vraiment regarder, sans parler au patient ou à la patiente, c'est une manière de ne pas être dans une trop grande empathie. Il faut l'empathie, mais il faut peut-être pas, il faut savoir un peu se... Se préserver, c'est un équilibre à trouver. Effectivement, je pense que si on connaît pas bien ses peurs, peut-être qu'on va se protéger un petit peu plus et peut-être qu'on ne rejoindra pas le patient autant que ce dont il aurait besoin. Est-ce que vous avez constaté, vous, au cours de vos études, Fanny Guéral, des moments où finalement le médecin, l'autorité qui vous reçoit, qui vous donne des ordres, se trompe ? Se trompe, là, j'ai pas de souvenir précis. Des discussions collégiales pour prendre des décisions, j'en ai vu souvent. Voilà, c'est une somme de souvenirs importante. Alors, j'ai pas souvenir d'une grosse erreur à laquelle j'aurais assisté, mais parfois il y a des tâtonnements. C'est sûr que c'est pas toujours une science exacte. Et le fait que ça soit pas une science exacte, ça vous avait donné envie encore plus d'être médecin, ou au contraire, il y a des moments où de désespérance, enfin de désespoir. Il y a des moments d'anxiété, je dirais, quand j'étais interne notamment, que mes premières gardes en tant qu'interne, avec beaucoup de responsabilités, j'étais en pédiatrie, et je dormais pas la nuit parce que je révisais, j'étais inquiète de faire un mauvais diagnostic ou de faire une erreur. Donc oui, il y a de l'angoisse liée à la responsabilité, et en même temps, il y a une émulation. Pour moi, c'était... excitant aussi d'être face à... De découvrir le mystère de pourquoi la personne est là, pourquoi elle souffre. Oui, c'est ça. L'immensité du savoir, ça c'était un côté qui m'a beaucoup plu. Et les gardes commencent en quelle année de médecine ? Alors, il y a des gardes d'externes. Les externes, c'est-à-dire les étudiants entre la 4e et la 6e année déjà font des gardes, au cours desquels ils n'ont pas beaucoup de responsabilités, mais ils assistent les internes, ils réalisent des examens cliniques, les électrocardiogrammes, parfois des prises de sang, des choses comme ça. Et puis après, les gardes d'internes, là par contre, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, avec des responsabilités, on en réfère aux médecins seniors si besoin, mais l'interne, c'est le premier recours à l'hôpital. Et vous pensez, Fanny Guéral, finalement, que ça dépend sans doute des patients, mais statistiquement, les patients, il ne s'agit pas de confiance, mais sollicitent plus le regard des jeunes, des étudiantes, des étudiants, que le regard des médecins. Alors là, j'ai pas d'études statistiques sur le sujet, mais je sais que on dit que les patients s'adressent souvent plus au personnel infirmier et aux aides-soignants, ou même au personnel qui fait le ménage. Donc j'ai un ami qui est chef de service à l'hôpital de Tours et qui, au staff, commence toujours par discuter avec le personnel d'entretien, les aides-soignants, les infirmières, qui souvent ont des informations au sujet du patient que les médecins n'ont pas. Et peut-être on s'adresse peut-être, quand on est patient, à la personne qui sourit. Peut-être, oui, effectivement. Vos personnages, Fanny Guéral, dans Médecine, deuxième année, donc Amour, colloque et stéthoscope, publié chez Rajo, donc roman pour la jeunesse. Vos personnages, ils sourient parce qu'ils ont, non seulement ils font des études de médecine, ils sont en deuxième année, les uns les autres, mais comme par hasard, ils ont tous des histoires d'amour en cours ou en préparation. Vraiment, ça, on a le temps en deuxième année de... En deuxième année, on a beaucoup plus le temps qu'en première année. C'était le côté roman adolescent, mais je crois que c'est assez fidèle à la réalité, finalement. Il y a une année où on est cloîtré, comme ça, la première année. Oui, et la deuxième année, c'est une année soupape. Et c'est toujours le cas. J'en ai discuté avec des étudiants. Mais c'est vraiment... Après une année de travail intense, on relâche la pression et c'est une année au cours de laquelle on s'amuse un peu plus, on fait la fête. Et puis c'est propice aux histoires amoureuses. Alors, quelles sont ces histoires amoureuses dans votre roman ? Revenons alors non pas à la réalité, enfin quittons un petit peu la réalité pour le roman. Alors ce roman-là, j'ai choisi de suivre les tâtonnements de l'héroïne. Elle se cherche, on va dire. elle tente des choses. Elle a une histoire d'amour un peu passée, mais peut-être que justement l'année de, voilà, de monastère, de la première année où le couvent lui a fait du bien. Oui, lui a fait du bien. Et après, elle se cherche. Il y a plusieurs tâtonnements et puis un fil conducteur pour elle dans l'histoire. Donc elle hésite, comme il se doit dans les bonnes histoires, entre 1, 2, 3... Voilà, oui, elle hésite. Bon, vous ne nous direz pas pour qui elle choisit, si elle choisit quelqu'un. Ah ça, il faut le voir en lisant le roman. Vous, c'était ça, votre deuxième année, Fanny Guéral? Non, c'était pas ça, j'ai rencontré mon mari en deuxième année, donc c'était il y a 20 ans, c'est mon mari. Médecin? Non, qui n'est pas médecin, qui est chercheur. Non, j'ai pas connu ça, j'ai pas papillonné en deuxième année, mais par contre, effectivement, ça a été le moment d'une rencontre. Et les petites camarades, comme ça, de deuxième année, c'était ça, c'était... Oui, parce qu'il y a des soirées médecine, les fameuses soirées médecine qui sont réputées pour ça, et donc les relations se tissent et se défont au cours de ces soirées-là. Et ces week-ends d'intégration, ça existe toujours? Ça existe toujours, mais je pense que c'est plus encadré maintenant avec les lois sur le bizutage. Parce que c'était quand même absolument crétin, époque, non? Oui, c'était crétin, puis c'était un peu limite, même, par moment. Et donc, ça a été... Enfin, depuis, le législateur a pris des mesures, et je pense que c'est une bonne chose. Et vous-même, Fanny Guéral, vous êtes médecin, donc dans la région de Tours. Vous lisez des romans qui ont le rapport à la médecine. Vous allez voir des films qui se situent dans un milieu hospitalier. Il y en a eu pas mal il y a 2-3 ans. Ça m'arrive, mais pas tant que ça. Je cherche plutôt en dehors de la médecine. Alors à part à l'écriture, sans doute. Oui, et puis je lis beaucoup de choses. Hein. J'ai des lectures très hétéroclites, des romans, et puis aussi des livres de psychologie, parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie, la psychothérapie, de développement personnel. Voilà. J'ai des choses variées. Et quand vous croisez quelqu'un, enfin voilà, vous allez dans une soirée comme ça, puisque c'est la nuit de la médecine, on veut savoir ce que pensent les médecins, ce que vivent les médecins. Ils ont des espèces de diagnostics comme ça sur les proches, sur les gens qu'ils rencontrent. Bon, on n'a pas un scanner intégré, mais alors si quelque chose est évident ou nous saute aux yeux, oui, dans ce cas-là, on le voit. Mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que les médecins ont une lecture du monde particulière. Hein, 10 ans d'études, ça formate le cerveau. J'ai essayé de retranscrire ça dans mon premier roman pour adultes, Le début des haricots. Et l'héroïne, elle a une façon particulière de voir le monde, au filtre de la médecine. Et ça, je pense que ça, c'est pas particulier à mon cas. Je pense que les médecins, quand même, ont une façon de voir le monde au travers de la médecine. C'est présent en permanence. Et puis on est tous des espèces de patients possibles et voilà qui pensent, on pense tous être intéressants par nos cas, ou quitte à en inventer un peu. En inventer, je sais pas. Moi, je considère que quand les gens adorent raconter leurs bobos, voilà, c'est des bobos. Même si c'est quand les patients consultent pour des petites choses, il y a toujours quelque chose qui a besoin d'être entendu. Parfois, c'est même pas ce qui se dit qui a besoin d'être entendu. Ça peut être autre chose. Mais pour ça. Oui, c'est vrai que dans le cours de soirée, parfois, des amis ou des personnes ont des questions médicales à poser, ça arrive. Oui, Il faut savoir mettre des limites parfois. Et c'est parfois, les personnes qui ont de réelles et fortes maladies en parlent beaucoup moins que les personnes un peu hypochondriaques, comme ça, qui se demandent si ce petit rhume n'est pas grave. Ah, souvent, ça traduit des inquiétudes qu'il faut savoir entendre aussi, je pense. C'est la psychologue alors qui parle. Alors, plus que toute autre chose, c'est un roman qui est sorti il y a quelques semaines, qui parle de quoi? Alors, de médecine? Non, pas de médecine cette fois-ci. Alors ça ne nous intéresse pas, si dites en 2 secondes quand même, Fanny. Oh, c'est l'histoire d'une jeune femme endeuillée par la mort de son père qui s'apprête à se marier et qui a instauré à l'insu de son voisin psychanalyste des séances de thérapie en ascenseur et qui va rencontrer un jeune garçon et son père. Et voilà, ça va transformer un petit peu sa vie. C'est aussi une comédie avec des questionnements un petit peu plus profonds, comme dans la veine des précédents. Et publié chez J'ai lu. Chez J'ai lu. Très bien. Eh bien, merci Fanny Guéraldon. Donc, on rappelle le titre du roman léger pour adolescents, médecine deuxième année, amour, colloque et stéthoscope. Vous allez peut-être faire les médecines troisième année, médecine quatrième année, etc., non ? Oui, c'est l'éditeur qui le décidera, mais c'est pas exclu. Bien, c'est publié donc chez Rajo. Eh bien, la nuit de la médecine sur France Culture continue avec une tribune de Paris, puis avec Knock de Jules Romain, que vous connaissez certainement par cœur. Non ? Pas par cœur, mais... Alors là, c'est une version radiophonique, donc par définition, avec Serge Reggiani. Mais tout d'abord, la Tribune de Paris.